D'abord vient le joli mois de mai, le mois où l'on fait ce qui nous plaît, une de nos saisons qui ne lasse jamais. Ensuite viendra le mois de juin, nos enfants iront prendre un bon bain, rempli de plaisir qui ne lasse jamais. Jamais. Le mois d'août annonce la flotte.